ta déguine déjà fade. Pour dire que nous pouvons à tout, nous pouvons dire on ne va plus jeter. Pour parler de tes aimes, de la plusieurs, ta passe pas du monde, et la tout déjà. Tu vas en faire, sauf quand on a juste pas du monde, ça va pas, ça va pas là. T'es un falard, qu'on fasse une mêlée, ouais, quand on va y aller là. Tu vas faire une onde, on est bibi, mais voilà, non, il faut qu'il fisse. Au pire de ma monde, il retient dans la mes pas. Donc, tu vas en faire, sauf quand on a juste pas du monde, ça va pas, ça va pas là. T'es un falard, qu'on fasse une mêlée, ouais, quand on va y aller là. Tu vas faire une onde, on est bibi, mais voilà, non, il faut qu'il fisse. Yeah.